Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Au départ de cette série, il y a ces semaines confinées et bac ou pas, l'idée de réécoute bonne pour toutes les oreilles. Et donc un anniversaire, un état encore jeune des couches d'histoire, des décisions internationales, le sionisme, la Shoah. Alors on peut se demander ce qui reste de l'Israël fondé il y a 70 ans. Alors pour commencer, les personnages. Des rabbins extrémistes, un membre du Likoud, un auteur résigné, un militant qui se souvient, un journaliste activiste, un cinéaste prêt à en découdre, une palestinienne qui hésite et un historien pessimiste mais pas fataliste. Ensuite le décor. L'assassinat d'Itzhak Rabin, des attentats, la bande de Gaza, une gauche en peau de chagrin, des manifestations des tentes de la corruption, Tel Aviv, une démocratie fragile et l'ombre de l'Iran. Aujourd'hui, dernier épisode, on retourne dans le passé. Peace must win. This is a fight that we cannot afford to lose. La paix doit vaincre. Voilà le combat qu'on ne peut pas se permettre de perdre. 5 novembre 1995. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre israélien Isaac Rabin a été assassiné ce soir à Tel Aviv. Isaac Rabin s'apprêtait à quitter une importante manifestation de soutien au processus de paix lorsqu'il a été atteint de 3 balles tirées par une arme automatique. L'auteur des coups de feu a été aussitôt arrêté. Il s'agit d'un jeune Israélien de 23 ans qui appartiendrait à un groupe d'extrême droite. Dans la foule, au pied de la tribune, son assassin l'attendait. Une balle dans la rate, une dans la colonne vertébrale et une dans la poitrine tirée presque à bout portant, les Israéliens sont bouleversés. Le meurtrier a été rapidement maîtrisé et conduit en lieu sûr. Yigal Amir prétend avoir agi sur ordre de Dieu et seul. La police enquête aussi sur des rabbins qui auraient cautionné moralement l'attentat. Yigal Amir aurait reçu avant de passer à l'acte le feu vert religieux de ces rabbins extrémistes autorisant le meurtre de M. Rabin, coupable selon eux de renoncer à la terre d'Israël, autrement dit à une partie des territoires occupés. Soixante-dix ans d'Israël, les bougies du désenchantement, être israélien, telle est la question, par Assia Khalid et Alain Lefkovitch. Il y a eu un événement qui a choqué le monde entier, hein. C'est l'assassinat de Rabin, perpétré par Yigal Amir, qui, pour certaines parties de la population israélienne, est devenu un héros. Yigal Amir doit croupir en prison jusqu'à la fin de ses jours, sans aucune possibilité d'amnistie. Michel Hadary, membre et historien du Likoud, parti national libéral fondé en 1973 par Ariel Sharon et Menachem Begin, et actuellement présidé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Yigal Amir a fait quelque chose qui ne peut que choquer, et peut-être à part une toute petite frange parmi les Israéliens, mais tout le monde condamne cette chose-là. Yigal Amir est loin d'être un héros. Yigal Amir est quelqu'un qui a mis Israël dans une situation morale absolument horrible. Pourquoi est-ce que les accords d'Oslo, Rabin, ont cristallisé autant de haine, de difficultés ? L'accord d'Oslo avait en son sein des éléments qu'une partie de la population craignait que cela cause des problèmes. D'ailleurs, la suite l'a prouvé. Les bus qui explosaient, ici, pas loin d'ici. Plus de 1000 personnes qui ont été assassinées par des terroristes palestiniens, etc. Et c'était dans l'époque d'Arafat qui était celui, le co-signataire des accords d'Oslo. Et qui a fermé les yeux s'il ne les a pas encouragés. Et c'est la fermeté de Netanyahou face à Arafat qui a fait que la chose s'est calmée. Mais c'était à travers la fermeté uniquement. Alors, tout le temps, il y a eu cette espèce de stéréotype. Ah, si c'est la droite, c'est la guerre. C'est faux. Lorsque Menachem Begin est au pouvoir, tout le monde était absolument sûr qu'on allait vers une guerre. Le va-t-en-guerre de Menachem Begin. C'est quand même lui qui a signé l'accord de paix le plus important de l'État d'Israël et qui se maintient jusqu'à aujourd'hui. Netanyahou, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un homme qui ferait tout pour empêcher qu'il y ait une guerre. Et ce n'est qu'en dernier recours qu'il arriverait à cela. Ce qui s'est passé au cours des années 90, Yishai Sarid, écrivain, c'est qu'il y a eu les efforts menés pour les accords d'Oslo, l'accord entre Israël et l'OLP. L'idée était de partager le contrôle du pays entre nous et les Palestiniens, comme les Nations Unies l'avaient décidé en 1947. Et ça n'a pas fonctionné. Ça a fini dans un bain de sang pour les Palestiniens et pour nous. Pour nous, il y a eu l'assassinat de Rabin, l'acteur principal de ce processus. Il y a eu le meurtre commis par le docteur Baruch Goldstein à Hébron de plusieurs dizaines de Palestiniens. And of course, from the Palestinian side, there was the horrible, horrible cette période d'horribles attentats palestiniens dans les bus, dans les nightclubs et les restaurants. Et puis Netanyahu est arrivé au pouvoir en 1996. La gauche a eu une nouvelle chance en 1999 avec l'élection de Ehud Barak au poste de Premier ministre. Il y a eu les pourparlers de Camp David aux États-Unis qui ont échoué. Ehud Barak et Arafat ne sont pas parvenus à un accord historique. La seconde intifada a commencé, avec encore une fois beaucoup d'attaques terroristes. Et après tout ça, les gens ont cessé de croire à un processus de paix. Si vous parlez de paix avec les Israéliens, ils vous disent, écoutez, ils n'en veulent pas. Ils veulent juste nous tuer, et ça n'arrivera pas. Et puis Ariel Sharon a sorti Israël de la bande de Gaza. Et nous avons commencé à recevoir de temps en temps des roquettes de là-bas. On a détruit aussi les colonies qui s'y trouvaient. Pas un seul juif n'est resté dans la bande de Gaza. Et les gens commençaient à dire, on s'est retiré de là-bas, on a fait ce que vous, gens de gauche, vous nous avez dit de faire, et regardez ce qui arrive. Et tant qu'il n'y aura pas de véritable espoir de construire quelque chose avec les Palestiniens qui apporte la paix, que tout redevienne calme et qu'il n'y ait plus d'effusion de sang, c'est la droite qui dirigera les affaires d'Israël. C'est comme ça. C'est une question de leadership des deux côtés, parce que Netanyahou n'a jamais voulu véritablement leur donner quoi que ce soit. Mais dans le même temps, les Palestiniens n'ont jamais raté une occasion de rejeter toutes les chances qu'ils avaient d'obtenir une souveraineté. C'est une situation bien triste, mais c'est comme ça. Une belle manif de la gauche en Israël pourrait à peine remplir un café aujourd'hui. Nadav Lapid, cinéaste. C'est-à-dire, d'une certaine manière, je pense que le débat à l'intérieur de la société israélienne s'est terminé. Avec l'idée qu'on a 100% raison et les autres ont 100% tort, qu'il y a aucun commentaire à nous faire, aucune reproche à nous faire, ni pour notre politique au territoire, ni par rapport à notre attitude envers, je sais pas, les Palestiniens, les réfugiés africains, etc., et que eux qui nous reprochent sont des antisémites. Et donc c'est ce cercle magique qui lie Tel Aviv avec Auschwitz, tous les Palestiniens avec l'État islamique, même les vendeurs dans une boulangerie à Jaffa, à Osama Bin Laden, donc il crée un monde fantastique, un monde un peu légendaire où on est vraiment les princes et les princesses au milieu du jungle rempli de monstres. Donc il faut surtout être unis, ne pas poser de questions. Je pense que ça c'est aujourd'hui une réalité très très solide dans ces sociétés. Je vois absolument pas une sorte de lumière au bout de ce tunnel. Shlomo Zand, historien, membre des nouveaux historiens israéliens qui ont remis en cause à la fin des années 80 plusieurs éléments centraux de l'historiographie israélienne traditionnelle. Vous savez que le discours, la propagande de la gauche ici, gauche travailliste, etc., se base sur un concept raciste. On ne peut pas garder un État juif démocratique avec l'occupation. Ça veut dire... Leur discours n'est pas un discours des droits de autodétermination du peuple, des faits que c'est leur terre et ce n'est pas notre terre. Ce n'a jamais été notre terre. parce que la gauche aussi partage avec ces colons que vous avez racontés l'idée que cette terre appartient aux Juifs. Presque toute la gauche, sauf une partie de Meretz, croit que cette terre appartient aux Juifs, parce qu'il y a 2000 ans, c'était dans les mains des Juifs. Mais nous sommes gentils, donc on accepte de faire un compromis. Ça, c'est la base idéologique de la gauche. Pour beaucoup de gens de gauche, Hebron, c'est plus juif que Tel Aviv ou Haïfa. Sous la côte, historiquement, il n'y avait pas de juifs, presque pas, autrefois. Mais Jérusalem, Hebron, Jéricho, ça, c'est le cœur de la patrie. Et j'ai jamais vu quelqu'un faire un compromis sur une terre qui lui appartient. Jusqu'à 88, je souhaitais que les Palestiniens vont accepter les principes d'existence d'État d'Israël dans les frontières de 67. Mais Israël et la gauche israélienne n'acceptent pas les principes des frontières de 67. Imaginez quelqu'un de malade et qui a deux options. Jonathan Berg, écrivain. La première, c'est de mettre un pansement sur la plaie, et l'autre, c'est d'aller subir une opération à l'hôpital sans savoir comment il en ressortira. Peut-être qu'on lui coupera la jambe. Parfois, le corps fonctionne contre vous. Vous devez choisir entre un traitement au jour le jour pour continuer à vivre ou subir une opération qui peut vous sauver, mais aussi vous détruire. Eh bien, je pense que la société israélienne est dans la même situation. Il y a beaucoup de lassitude par rapport au conflit. Et la plupart des Israéliens ne veulent plus en entendre parler. Ils veulent qu'on leur dise « Ok, on va chasser les terroristes. On va limiter le danger qui pèse sur vos vies. Et vous, vivez une vie normale. Consommez. » Et oui, la société israélienne se dit, allez, vivons une vie normale. Partons en vacances à Paris, Londres, New York. Et essayons de vivre normalement, pendant que ce qui n'est pas normal sera pris en charge par les forces de sécurité. Dans cette situation, bien sûr que la droite a plus de pouvoir que la gauche. Parce que la gauche a besoin de beaucoup d'espoir de la part du peuple, de courage. Il faudrait que le peuple se dise, choisissons l'opération, et si c'est réussi, nous aurons la paix. Si ça échoue, nous aurons peut-être la guerre, mais nous y ferons face. Essayons. Cette énergie, cet espoir, ces émotions ne sont pas là pour le moment dans la société israélienne. C'est une société trop fatiguée. Et c'est une société qui est confrontée à beaucoup de conflits intérieurs. Pas seulement à des conflits avec l'extérieur. En ce moment, nous avons de plus en plus de conflits entre les Ashkénazes et les Séfarades, les Juifs venus des pays arabes et les Juifs venus d'Europe. Nous avons ce conflit comme partout entre les hommes et les femmes, avec le féminisme et le mouvement MeToo. Nous avons le problème avec l'immigration européenne, l'immigration russe, entre l'immigration russe et les ultra-orthodoxes. Par exemple, à Ashdod, il y a des tensions par rapport à l'ouverture des commerces le samedi. Les Russes n'en ont rien à faire de tout ça. Ils veulent manger du porc, ils veulent sortir le samedi. Donc on a tous ces conflits actuellement qui sont très criants. Nous sommes aujourd'hui plusieurs tribus, comme on les appelle, David Grossman, écrivain, qui ne sont pas seulement différentes les unes des autres, mais parfois même hostiles les unes envers les autres. Et fondamentalement, nous sommes incapables de nous comprendre. Et vous pouvez voir à quel point les violences qui ont présidé à la naissance d'Israël au siècle dernier infiltrent les organes de la société et rendent les différentes tribus si hostiles les unes aux autres. Il y a de profondes différences, des gouffres même, entre elles, et l'un des enjeux majeurs auxquels Israël devra faire face ces prochaines années sera de rendre possible la coexistence de ces tribus aux valeurs si contradictoires. Comprendre qu'il y a la possibilité de regarder Israël, notre existence et le conflit dans lequel nous sommes plongés, à travers des perspectives complètement différentes et contradictoires, et de l'accepter. Nous en sommes à un stade où, après 70 ans de souveraineté et d'indépendance, cette idée est toujours difficile à admettre. Chaque tribu ou presque voudrait que les autres soient comme elle, se comportent comme elle, aient les mêmes valeurs qu'elle. Or, ça ne peut pas être comme ça. Et d'ailleurs, elles sont aussi fascinantes par certains aspects. J'aime cette diversité. Le fait qu'il y ait tellement de façons d'être israélien. Le seul problème étant, comment pouvons-nous les faire coexister sans violence? Ça prendra des années pour en arriver là. Ce qui est arrivé, surtout, c'est le changement démographique en Israël. Michel Bar-Zohar, historien, ancien député travailliste. La droite reçoit environ 90% de ses voix de ce qu'on appelle les juifs séfarades d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient. Au moment où la communauté séfarade en Israël est arrivée à une égalité avec la communauté ashkénaze, tout a changé. Parce que le vote du Likoud, c'est ce que nous appelons un vote tribal. Les Marocains, les Tunisiens, les Yéménites, les Iraniens, les Irakiens, tous les Juifs qui viennent de cette partie du monde, ils sont des gens beaucoup plus nationalistes, d'une part. D'autre part, ils disent, nous connaissons les Arabes, ils ont une attitude beaucoup plus dure à l'égard du monde arabe. Et troisième point, c'est qu'ils sont beaucoup plus traditionnalistes à l'égard de la religion que ceux qui sont venus de l'Europe. Et alors, quand vous avez des élections, vous voyez que le vote du monde séfarade est du vote en bloc pour la droite. Même aujourd'hui, quand nous avons des problèmes avec la question de corruption de Bibi Netanyahu, vous voyez que dans tous les sondages, le vote pour le Likoud reste toujours le même. Et tout ça va changer un jour quand vous aurez une société où les origines ethniques seront, disons, n'ont pas d'importance, parce que tout sera mêlé. C'est cela qui arrive. La gauche, je pense que ce n'est pas un problème qu'israélien, mais la gauche... Journaliste au journal Haaretz. Il y a un problème identitaire profond dans le monde. Hein. Déjà avec la politique d'identité, que chacun combat son petit combat pour la communauté gay, pour le végétalisme, pour arrêter l'occupation féminisme, ou pour le droit des Noirs ou des réfugiés politiques ou des Arabes. C'est complètement éclaté en mille morceaux et le problème c'est qu'il n'y a pas une seule mouvement qui est humaniste de gauche qui incarne tout ça. Les gens ne veulent pas non plus se lier. Les combats sont très différents, ils se font de façon très efficace pour certains. Je pense qu'ils ne veulent pas se mettre ensemble. Israël en ébullition, 400 000 manifestants hier soir dans les grandes villes pour une vie moins chère. Jamais la question sociale n'avait pris une telle ampleur dans un pays surtout préoccupé de sécurité. On veut une vie normale, mais nous ne vivons pas dans un pays normal. Économiquement, on est comme dans une île. Oren Pasternak, ancien leader du mouvement des tentes en 2011. En 1999, Ehud Barak a été élu sur la base d'un immense espoir pour la paix et de la promesse de changements radicaux pour nos vies et pour la société civile. Et puis tout cet espoir s'est effondré pour cette génération du processus de paix. Ce rêve de paix s'est évanoui en 2001. Et puis nous sommes entrés dans une période de 5 ans d'intifada, avec Sharon comme premier ministre, et on s'est focalisé sur notre propre défense. Et puis il s'est produit quelque chose qui nous a mené à ce mouvement de protestation. En 2006, il y a eu la guerre du Liban, qui a provoqué une grosse crise au sein de la société israélienne. Et puis il y a eu les affaires de corruption avec Olmert. Les gens ont pensé que quelque chose n'allait pas, qu'on leur mentait. Après ces histoires de corruption et le procès d'Olmert, les gens ont pensé que cette femme que j'aime beaucoup et que j'admire, Tzipi Livni, allait prendre le pouvoir et changer les choses avec son message d'espoir. Elle a remporté les élections face à Netanyahou, mais elle n'a pas pu constituer de gouvernement. Cela a provoqué une grave crise. La majorité des gens ne voulaient pas Netanyahou comme Premier ministre et on pensait qu'il avait volé son poste. Mais bon, c'est le système de coalition israélien qui lui a permis de voler les élections. Deux ans après, au cours de l'été 2011, tout a explosé. Les gens avaient donné une chance à Netanyahou, deux ans pour qu'il change les choses, mais il a fait tout le contraire de ce que nous attendions. Rien ne changeait avec les Palestiniens, rien ne bougeait dans la société. Les députés s'étaient accordés une augmentation de salaire, et pour nous, Bibi Netanyahou parlait comme Marie-Antoinette. Si tu n'as plus de pain, mange des gâteaux. Et nous, à cette époque, nous voulions du changement. Bien sûr, pas la guillotine. Et aujourd'hui, il y a des manifestations contre la corruption. C'est toujours le même problème. D'abord, ça s'est inspiré des mouvements similaires à travers le monde. Les Tunisiens ont commencé, les Égyptiens ont pris le relais. Évidemment, c'était difficile pour les Israéliens de prendre le train arabe en marche. Nous avons dû attendre que cela arrive aussi en Grèce, puis en Espagne. Et enfin, c'est devenu faisable ici aussi. J'appelle ça le 29 novembre de la société civile israélienne. On dansait en cercle. C'était un peu comme le jour de la déclaration d'indépendance en 1948. Nous avions le sentiment de construire quelque chose de neuf, un nouvel Israël. Des droits sociaux, un État-providence. On changeait d'atmosphère, on changeait les esprits. La guerre n'est pas tout. On doit se défendre, d'accord, mais on a fait ça pour être un peuple comme les autres peuples. Tout a commencé à cause des prix des loyers et avec l'installation d'une tente sur le boulevard Rothschild. L'atmosphère était celle d'un soulèvement, mais d'un soulèvement démocratique, un mouvement civil qui émerge et qui demande quelque chose de différent. Il y avait une douzaine de lieux de débat sur l'avenue Rothschild, des gens parlaient des problèmes. Pour la première fois depuis des dizaines d'années, les gens ne parlaient plus uniquement des Palestiniens ni de la guerre, mais ils parlaient de la façon dont le budget est injuste, de comment changer le marché du logement, comment améliorer le système éducatif. Après ces deux mois d'été extraordinaires, les gens nous ont demandé pourquoi nous n'avons pas changé les choses. D'abord, nous n'avions pas été élus au Parlement. Peut-être que cela viendrait. Mais le gouvernement était censé faire des changements. Et c'est pour ça que nous ne demandions pas la démission de Netanyahou au début du mouvement. Mais après quelques semaines, nous nous sommes dit qu'il était bien la source du problème. Et maintenant, nous comprenons de mieux en mieux, avec toutes ces histoires de corruption, qu'il fait partie intégrante du problème. Cette révolte des tentes, France Inter, soutenue au cœur de 4 septembre 2011 des Israéliens, va-t-elle survivre à la fin des vacances et surtout à cet essoufflement de quelques jours provoqué par les attentats d'Eilat et le retour de la violence à Gaza? Pour éteindre le feu social, Benjamin Netanyahou n'a pour l'instant rien proposé de très concret, si ce n'est la nomination d'un comité chargé de réfléchir à ces problèmes de pouvoir d'achat et de prix du logement. Le Premier ministre et ses équipes, explique le politologue Denis Charby, savent très bien que pour l'instant, le mouvement n'a que très peu de portée politique. On a beaucoup veillé durant cet été-là à ce qu'aucun parti politique ne récupère ce mouvement-là. Donc la traduction politique en termes électoraux, en termes de sondage, on ne la voit pas encore. De ce point de vue-là, Netanyahou ne se sent pas véritablement menacé. Mais ce qu'il redoute, c'est qu'on se retrouve lors des prochaines élections devant la victoire même relative, d'un parti qui serait créé justement dans le sillage de ce mouvement social et venant dire voilà, on va être une alternative à tous ces copains et ces coquins qui finalement se partagent le pouvoir en alternance depuis une trentaine d'années. Pour moi, le premier erreur était du mouvement même. Il s'est dit dès le départ apolitisé. Du coup, leur combat était sur le pouvoir d'achat surtout. On parlait de ce qu'on a dans à la fin du mois dans la poche. Parce que le niveau de vie en Israël, elle est élevé, mais le coût de la vie est très élevé aussi. Les loyers à Tel Aviv sont comme à Paris. mais les salaires en Israël sont plus bas. Alors, c'est très difficile de tenir un budget. Et du coup, c'est ce qui réunissait les gens. Le fait qu'on travaille très dur, et toute notre vie, on n'a pas 5 semaines de vacances comme en France, et qu'on n'arrive pas à subvenir à ses besoins. C'est le problème de la classe moyenne partout. Et bien sûr, quand on parle de l'argent et de conditions de vivre, ça touche tout le monde, il n'y a pas d'exception. Mais après, une fois ils se sont dit apolitisés, ils n'ont pas voulu montrer non plus ce qu'ils pensent qu'on devrait changer. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Et moi, je crois que quand on dit ça, c'est pas bien, il faut dire aussi ce qu'il faut faire. Et comme ils n'ont pas fait ça, ça s'est fatigué très vite. Hagai Matar, journaliste et activiste politique au sein de Plus 972, magazine d'information et blog communautaire de gauche indépendant créé en 2010. Je pense qu'il serait faux de dire que ça a complètement échoué. Il y a aussi eu un progrès sans précédent du mouvement syndical. Dans mon domaine, par exemple, dans le passé, il y avait des syndicats de journalistes dans le pays, mais ils se sont en quelque sorte désintégrés, ils ont disparu. Suite au mouvement social de 2011, j'ai fait partie d'un groupe à l'origine d'un nouveau syndicat de journalistes. Et maintenant, 7 ans plus tard, presque tous les journalistes du pays sont syndiqués et ont négocié des accords collectifs. On voit la même chose dans les nouvelles technologies, un secteur qui n'avait jamais eu de syndicat auparavant. Il y a eu une vague de centaines de milliers de personnes qui se sont syndiquées suite au mouvement des tentes de 2011. Ce n'est pas aussi visible que les tentes sur la place Rabima, mais c'est quelque chose qui est en train de changer radicalement l'économie. Certes, lentement, mais du point de vue collectif, ça fait une différence. Et puis, qu'est-ce qui se passe depuis ? Rien n'a changé, sauf. Rien n'a changé. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais je crois même que le... différences de richesses sont devenues encore plus vastes depuis. Très peu de choses ont changé depuis. Et d'ailleurs, je crois, si jamais, que ça a montré aux Israéliens que vous pouvez avoir 1 million de gens dans la rue et rien ne va changer. C'est tragique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Israéliens sont dociles et que finalement, la politique reprend son droit et la politique ici, c'est le conflit israélo-palestinien et rien d'autre ? À mon avis, oui, les Israéliens sont plutôt dociles. Mais ils ont leur raison d'être. Déjà, on est formé pour être des soldats, on va à l'armée, on rentre dans un système hiérarchique. On croit aussi peut-être plus que dans certains pays européens aux bonnes volontés du système. Pas forcément du gouvernement, mais le système, il est bienveillant. Je crois que c'est vrai parce que... De toutes ces raisons-là, on a été dans l'armée. Nous, on est le système. C'est quoi le système? C'est qui les autorités? C'est nous, c'est nous-mêmes, c'est nos enfants, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est tout le monde. Alors, on a une tendance peut-être à être plus docile que des Européens. Cette pic de 2011 était l'exception. Et puis après, on a retourné chacun dans son camp, dans son côté. C'est difficile de mener une révolution sociale sans être violent. Samuel Maoz, cinéaste. Toutes les révolutions qui ont réussi l'ont été. Si les gens avaient attaqué les banques et tout cassé, ça aurait peut-être pu marcher. Mais si vous organisez les choses comme un happening à la Woodstock, en plantant des tentes sur l'avenue Rothschild et en chantant des chansons à la guitare, c'est super. Mais si vous voulez que la révolution fonctionne, ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais l'histoire montre que, à l'exception de Gandhi en Inde, toutes les révolutions sociales qui ont réussi ont été violentes. Il y avait des gens sur l'avenue Rothschild, sur 3 kilomètres, qui occupaient cette place, enfin cette avenue. Ils sont passés où, tous ces gens ? Certains habitent à Berlin, certains habitent à New York. Nadav Lapid. Certains habitent toujours ici, mais ils se sont peut-être désespérés. Je pense que pas mal parmi eux croyaient d'une manière très très limitée à ce qu'ils les ont crié en manif. Ce que je veux dire, c'est que une sorte de normalité civique, c'est pas, je pense que c'est pas dans les menus ici. Ça fait pas partie de la carte, partie des offres qu'on vous propose. Et c'est pour cela que de jeunes qui sont sortis en masse dans les rues pour crier contre les prix des fromages au supermarché. D'abord, ça a des bornes et puis ça a une date d'expiration, ce genre de cris. Qu'est-ce qu'être israélien ? Vous auriez pu me demander ce qu'est mon identité juive. Chagai Matar. Commençons par là, avant l'israélienne. Donc, je suis laïque, je suis athée, mais d'autre part, ma famille est juive. Elle a une longue histoire juive, avec certains membres de la famille qui ont été assassinés durant l'Holocauste et se sont battus contre les nazis. Ça fait partie de qui je suis. Ça fait partie de mon identité et de mon histoire. Nous célébrons les fêtes juives dans ma famille. Voilà pour ce qui me concerne. En même temps, pour moi, vivant en Israël, être juif, ça veut dire être privilégié, faire partie d'une société dont les membres sont différenciés par la loi, en fonction du fait qu'ils soient juifs ou non juifs. Je ne peux pas nier le privilège d'être juif, alors que j'ai des amis palestiniens qui n'ont pas la citoyenneté et qui vivent sous un régime militaire. Et du fait du système politique du pays, je n'ai pas d'autre choix que de faire partie des privilégiés de cette société. Hanin Majadli est professeur d'arabe à l'université de Tel Aviv et est ce qu'on appelle ici une arabe israélienne. Je suis palestinienne, israélienne. Ça veut dire que vous vous réveillez un matin en détestant les Israéliens, le lendemain vous détestez les Arabes et le jour suivant les Juifs, etc. C'est un sentiment très ambivalent à l'égard de ce pays. Je me définis comme palestinienne, mais parfois je ne me sens pas à l'aise de le dire à haute voix. Il n'y a que quelques cercles dans lesquels je peux dire librement qu'il s'agit là de mon identité sans que l'on m'accuse de trahir le pays. J'imagine que le mot « arabe » est plus général et plus facile à accepter pour les Israéliens. Parce que palestinien, ça veut dire qu'on ne peut pas nier ces gens, qu'ils vivent parmi nous. Et hey, j'en fais partie. Donc, arabe est plus général. Non, tu n'es pas palestinienne, tu n'as pas une identité spéciale, tu es juste une arabe. Ce qui veut dire que tu vis ici, mais tu pourrais aussi bien vivre en Arabie Saoudite, au Liban, en Tunisie ou ailleurs, parce que tu n'as pas de lien particulier avec ce peuple, avec ce pays qu'on appelait autrefois Palestine. En fait, dire « je suis palestinienne », c'est faire une déclaration politique. En Israël, si vous n'êtes pas juif, vous ne faites pas partie du collectif, quand bien même vous tâchez d'être très loyal, très sioniste, un très bon citoyen, il n'y a pas moyen, c'est impossible. Quand je vivais dans mon village, où tout le monde était comme moi, la question de l'identité ne se posait pas. Quand j'ai emménagé à Tel Aviv, ils avaient leurs fêtes, leurs écoles, leurs blagues, un langage différent, une expérience de vie différente. Ils finissent leurs études et partent à l'armée, chose par laquelle je ne suis pas passée. Du coup, on commence à... C'est pas qu'on commence à questionner son identité, mais je voulais la ramener au centre. Je ne me sentais pas assez reliée à là où je vivais, à Tel Aviv. J'ai donc commencé à refabriquer les racines de mon identité d'une façon politique. Mais vous avez déménagé à Tel Aviv et pas à Jérusalem. Oui, mais même. Certes, c'est bien plus facile de vivre à Tel Aviv que dans n'importe quelle autre ville d'Israël. Il y a cette ambiance internationale, les gens sont très individualistes. C'est une ville qui valorise l'individu. C'est une ville qui refuse la religion. Je ne pourrais vivre nulle part ailleurs, parce que toutes les autres villes sont très religieuses, très racistes, très, vous savez, israéliennes. Ici, l'aéroport Ben Gurion est à 15 minutes, donc c'est plus proche de la communauté internationale que les autres. Je veux dire, tout en Israël est resté coincé dans les années 80, sauf Tel Aviv. D'un côté, c'est une merveilleuse démocratie. Avi Mograbi, cinéaste. Personnellement, je n'ai jamais fait l'objet de poursuites judiciaires dans un but de censure. Tous mes films ont été soutenus et financés par des organismes d'État. J'enseigne dans les meilleures écoles d'Israël. Ce paradoxe, vivre dans une société qui est de plus en plus nationaliste et fasciste, mais qui trouve le moyen de contrebalancer en vous donnant l'impression de vivre dans un pays libre tant que vous êtes juif, ça pose la question de jusqu'où est-ce que ça pourra aller. Et s'il sera toujours possible de critiquer ouvertement et de montrer et d'exprimer son opposition. Évidemment, à l'origine de cette situation, il y a la séparation des communautés. En tant que juifs, nous ne savons pas ce que c'est que d'être arabe en Israël, palestinien avec une carte d'identité israélienne, une population que la loi est censée traiter égalitairement. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Et nous savons encore moins ce que signifie être palestinien en territoire occupé. Cette séparation des communautés nous a permis à nous, en tant que juifs dans cette société, d'avoir l'impression, aussi terrible que ça puisse être, que c'est toujours une démocratie. Mais qui en même temps terrorise la vie des Palestiniens en territoires occupés et discrimine les Palestiniens israéliens qui vivent en Israël. Ça veut dire quoi, être israélien ? Pour moi, ça veut dire être tellement préoccupé par cette question, sans jamais trouver une bonne réponse. Nadav Lapid, cinéaste. Toute ma vie, j'étais israélien, donc je ne connais pas une autre alternative, une autre option, mais je suis quasiment sûr que des Belges ou des Suisses ou des Italiens ne passent pas toute leur vie en se posant la question, ça veut dire quoi, être belge, ça veut dire quoi, être italien ? Je pense que les Israéliens sont complètement amoureux de cette question, sans jamais trouver une réponse. Qu'est-ce que c'est d'être israélien ? Je pense que c'est un ensemble chaotique de choses. Je pense qu'Israël est un pays où l'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent. Jonathan Berg, écrivain. Un endroit où il est impossible d'être seul, d'avoir une intimité totale. L'extérieur vous envahit en permanence. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il y a un dialogue et une confrontation permanente entre le judaïsme et l'israélisme. D'une part, vous avez le judaïsme avec ses 5000 ans, avec les textes, l'histoire, avec la pensée, la philosophie. Et puis vous avez l'israélisme, qui au fond est une tentative d'être méditerranéen, d'être quelqu'un de la mer, quelqu'un du désert, quelqu'un de nouveau, une nouvelle tribu, une nouvelle terre, un nouveau territoire, un nouveau peuple. Et pour moi, c'est toujours un pas vers la culture de la Grèce, de l'Italie, des pays arabes alentour. Et puis un autre pas vers plus de judaïsme et les aspects plus froids de l'existence, plus particulièrement après le long exil en Europe et dans les pays arabes, qui a créé un judaïsme plus froid, plus isolé, plus craintif. Je pense qu'Israël est un endroit de tension entre la tradition et les nouveaux venus, entre la tentative d'être un peuple nouveau et le fait d'être toujours attiré vers le passé. Ma vie de tous les jours est parfaitement normale. Yishai Sarid, avocat, écrivain. J'élève des enfants ici, je vais au travail, j'écris, je déjeune dehors, j'organise des dîners à la maison, je sors, et tout va bien. Mais ce n'est pas un pays normal. D'abord à cause de notre histoire, mais au-delà de ça, à cause de la question palestinienne. Vous pouvez ne pas la voir. Beaucoup d'Israéliens évitent d'en parler, comme si c'était quelque chose de lointain. Mais on ne peut pas l'éviter. De temps en temps, on reçoit des roquettes en provenance de la bande de Gaza et on les bombarde là-bas. La normalité est très superficielle ici. Si on creuse un peu, ce n'est pas normal. On est un pays qui réussit, l'économie va bien, les start-up, la mode, etc. Mais nous sommes en Asie au milieu de tous les conflits du Proche-Orient. Si vous me demandez si c'est normal, je vous réponds que ce n'est pas normal. À chaque fois que je vais à l'étranger et que je reviens, j'ai le sentiment de revenir dans une maison de fou. Ça a son charme, c'est intéressant. C'est très diversifié, mais c'est très stressant. Et les conflits ont beaucoup d'importance. Deux choses. D'abord, non, ce n'est pas normal d'avoir une guerre tous les deux ans. Ça rend forcément fou. Keren Yedaya, cinéaste. Mais ce n'est pas le problème pour moi. Parce que la façon dont je perçois Israël, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus séparer Israël de la Palestine. Oui, peut-être Tel Aviv a l'air d'une ville normale, mais aller à une heure de Tel Aviv et des gens qui attendent des heures et des heures aux checkpoints, des gens en prison, sans procès. Moi, personnellement, je ne peux pas dire Israël et ne pas parler Palestine-Israël. Si on ne trouve pas de solution de paix, et on finit avec l'occupation, alors c'est pas normal. Gaza et Tel Aviv, pour moi, c'est la même place. Est-ce qu'il y a de la normalité? Moi, je dirais une autre chose par rapport à ça. C'est drôle, hier, j'ai vu en passant par les boulevards Rothschild, j'ai vu des, à mon avis, c'était des franco-israéliens qui jouaient au pétanque. Je me suis demandé justement la même question. Je crois qu'il n'y a absolument pas, c'est-à-dire, je pense que cette genre de normalité n'existe pas en Israël, mais je crois que pour moi, le problème, c'est la dichotomie, justement, en Israël, aussi dans les cinémas, dans l'art, etc., entre privé et public, entre collectif et personnel. Tout est tellement confus et mélangé ici. Les gens, ils s'embrassent ou ils dansent d'une manière politique, et ils parlent de la politique d'une manière intime. Quand vous avez même pas 18 ans, quand vous avez 12 ou 13 ans, vous commencez à être préoccupé par dans quelle unité vous allez servir dans l'armée, dans votre service militaire. Vous dites, je pense que dans cette soirée, on danse une chanson de... À l'époque, c'était une autre chanson, mais aujourd'hui, peut-être, je n'ai pas de Rihanna, par exemple. Je veux justement utiliser cette occasion pour raconter à un garçon, une nana, que j'ai décidé d'être parachutiste. C'est un tel mélange bizarre et pervers. Rien est personnel et tout est personnel. Rien est normal et tout est normal. Le premier jour à l'armée, c'est une sorte de trauma. Mais puisque tout le monde passe par ces traumas, donc d'une certaine manière, ce trauma n'est pas seulement refoulé, mais normalisé. Donc je pense que c'est un pays qui, sur une base quotidienne, normalise ce qui est anormal. Même sa normalité est folle. Vous ne pouvez pas être occupant depuis 50 ans comme nous le sommes sans commencer à croire que vous êtes meilleur et que vous valez mieux que le peuple que vous occupez. David Grossman, écrivain. Nous sommes une société mue par l'anxiété, très facile à effrayer. Nous sommes facilement terrorisés par nos chefs d'État, surtout en ce moment où nous avons un Premier ministre génial dans la manière qu'il a d'additionner les menaces, les vraies menaces auxquelles Israël fait face, parce qu'il y en a, mais il sait comment les mélanger aux échos de nos traumas passés. Et en tant que peuple traumatisé, nous sommes sans défense face à une telle manipulation. Et c'est ce qui lui fait gagner les élections, encore et encore, quatre fois jusqu'à aujourd'hui. Si tout ce que vous dites est formulé en termes de peur, de piège, trahison, danger, danger existentiel, à la fin, vous serez vaincu. Parce qu'à la fin, si vous mettez tous vos investissements dans la défense militaire, et ne faites aucun effort pour la paix, qui est l'autre condition de votre sécurité, de votre futur. À un moment donné, je le dis, et ça me brise le cœur, nous serons vaincus par une puissance plus forte qu'Israël, plus intelligente ou plus courageuse, plus folle, je ne sais pas. Il y a tout juste un mois, j'ai eu une conversation avec un ministre de haut rang, de droite, qui m'a dit « Vous, les gauchistes, vous tous, vous êtes si naïfs et vous pensez avec votre cœur, vous croyez que ce conflit peut être résolu. Ce conflit, m'a-t-il dit, va durer plus d'une centaine d'années. » Et je lui ai répondu « Écoutez, je ne sais pas ce qui se passera dans 100 ans, dans 100 minutes ou 100 secondes. Je sais seulement que ce que nous faisons maintenant va influencer ce qui arrivera dans 100 ans ou dans 30 ans, ou même dans 3 ans. Nous avons la possibilité de changer la situation. Nous ne sommes pas seulement les victimes passives de la situation. Et c'est la faute la plus grave de ce gouvernement. Le gouvernement de Netanyahou, qui ne fait rien pour améliorer la situation et tenter de trouver des occasions de faire la paix. Ce qui est pourtant possible. En ce moment, la situation est exceptionnelle. Parce que les plus grands pays arabes, les pays sunnites, comme l'Égypte et la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats, ont un très grand intérêt à s'allier, à se ranger du côté d'Israël. Non pas parce qu'ils nous aiment, ils ne nous aiment pas, mais ils savent que nous sommes forts, que nous pourrions les défendre contre les Iraniens, qui ne cachent pas leurs funestes ambitions pour la région, que nous pourrions les aider contre les organisations chiites extrémistes, et que nous sommes un très bon raccourci diplomatique vers les États-Unis, surtout maintenant avec M. Trump. D'accord, nous savons que les Palestiniens sont incapables de signer quelque accord de paix que ce soit avec nous, sans l'approbation et le soutien de la Jordanie, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite. Or, nous avons potentiellement leur soutien. Et qu'est-ce que M. Netanyahou fait par rapport à ça? Rien. Absolument rien. ce pays à 70 ans? Vous êtes optimiste, pessimiste? Très pessimiste, mais pas fataliste. J'ai appris une chose de l'histoire. Shlomo Zand. C'est qu'il ne faut pas être fataliste, parce qu'il y a des données qui changent vite, et il y a des résistances en Israël. Il y a des gens qui résistent. Ils sont des minorités, évidemment. Je suis très pessimiste, parce que je ne vois pas où on peut sortir, surtout que je vois que l'autre côté est plus près d'un compromis que notre côté. Beaucoup plus proche d'un compromis historique, malgré qu'il subit une colonisation. Mais je ne suis pas fataliste, comme j'ai dit, parce qu'il y a des données que je ne connais pas. Je crois qu'Israël, aujourd'hui, c'est un lieu très dangereux pour l'Europe, à cause des conflictualités ici, surtout avec l'Iran, surtout avec l'arme nucléaire. C'est dangereux aussi pour l'Europe. Plus tard, Trump va être remplacé. Il y a des intérêts mondiaux, russes, européens et demain peut-être américains, qui vont obliger Israël de faire un compromis. Mais je ne crois pas du tout qu'il y aura des forces politiques des dedans qui puissent changer la situation. When you using the word fascist, quand vous utilisez le mot fasciste pour qualifier la société israélienne, ne pensez-vous pas que c'est un terme dangereux à utiliser à l'étranger, notamment en France? La critique, ça peut faire mal, même quand elle vient d'ici. Avi Moghrabi, cinéaste. Mais le fait que la critique puisse être dangereuse n'implique pas qu'il ne faille pas critiquer. Si une démocratie repose sur le fait que les gens la ferment, à quoi bon? Il ne s'agit pas de créer une situation délicate pour les juifs de la diaspora. Mais ils doivent regarder Israël de manière plus complexe pour voir les problèmes. Si les Juifs de France ne voient pas que l'occupation qui dure depuis 50 ans est un problème, s'ils ne voient pas les conséquences dramatiques de la guerre de 1948, alors nous devrions leur parler davantage pour tenter de leur faire prendre conscience de la complexité de notre situation, de qui nous sommes, de ce que nous sommes, afin de leur rappeler qu'il n'y a pas si longtemps nous étions certes un peuple sans terre, mais que cette terre, elle, n'était pas sans peuple. Être israélien, telle est la question. Avec Michel Hadary, Ishai Sarid, Nadav Lapid, Jonathan Berg, Michel Bar-Zohar, Roni Bar, Oren Pasternak, Chagai Matar, Samuel Maoz, Hanin Majadli, Avi Moghrabi, Keren Yedaya, David Grossman et Shlomo Zand. Merci à Johanna Blickman, Déborah et Shimon Mercerwood, Nadine Epstein, Daniel Friedman, Gwen Michel de Lina pour les archives et Tamara Zénine. Avec les voix de Laetitia Aido, Laurent Lederer et Nicolas Raka. Prise de son, Benjamin Thuot. Réalisation, Assia Khalid. Mixage, Célia Dufour. Attaché de production, Marie-Yvonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervran. Un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire. Pionniers, kibboutzim, sionistes, palestiniens, colons ou partisans de la paix, LSD, la série documentaire s'est terminée pour cette semaine. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter à Gaza, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Meji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons sonder notre sentiment océanique. Mais demain, à la même heure, c'est grand reportage, et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, toute une vie, et l'expérience. Mais en attendant, quand c'est possible, restons chez nous.